pour pouvoir profiter et espérer la récompense, il faut savoir c'est quand Laylatul Qadr. Al-ulama ikhtalafu fi hada. Al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi, il a cité plusieurs aqwal, plus de 40 qawl fi hada, fi al-fath. Tu peux résumer hadi al-aqwal comme a dit le Cheikh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ila arba. Tu peux résumer tous ces aqwal en quatre. قال الشيخ عبد الله البسام ويمكن تصنيف هذه الأقوال إلى أربعة فئات. Tous ces أقوال, الشيخ البسام, il les a partagés en quatre groupes. Parmi ces أقوال, قال الأولى مرفوضة. Il y a des أقوال qui sont rejetées. كالقول بإنكارها في أصلها أو القول برفعها. Comme ceux qui l'ont renié ou certains qui disent que c'était qu'à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. لأنهم ils se sont basés أنها رفعت. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a oublié. Fa'indahum, c'était que pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, thumma, rufi'at, et c'est plus valable pour ceux qui viennent après. Et ça, c'est des aqwal marfouda, c'est pas sahih. Ça, c'est le premier groupe, ou la première partie des aqwal. La deuxième, qala da'ifa, des aqwal da'ifa. Par exemple, il cite, al-qawl bi annaha laylatun nisf min sha'ba, ou qu'elle n'est pas fait ramadan. Tout ça, c'est des aqwal da'ifa. Il y a un qawl, il prétend que c'est la 15e nuit de Sha'ban. C'est même pas fait Ramadan. Allah Azza wa Jal qala shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Et dans l'autre verset, inna anzalnahu fi laylat al-Qadr. Ça te montre que le Qur'an il a été révélé laylat al-Qadr. Et laylat al-Qadr elle est fi Ramadan. Lian Allah Azza wa Jal qala shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est à quoi elles sont da'ifs, qu'elle n'est pas fait Ramadan ou qu'elle est fi Sha'ban. Al-Thalitha, la troisième catégorie de aqwal, c'est des aqwal marjouha. Aïe, c'est pas des aqwal sahiha. Lakin, ils sont beaucoup plus proches que les aqwal précédents. Mathalan, quel qawl bi annaha fi ramadan fi ghayr al-ashr al-awakhir. Et un qawl, ba'd al-ulama yaqulun, annaha li fi ramadan pendant les 10 dernières nuits. Elle peut être au début de ramadan. Et hada, c'est un qawl da'if, kadalik. Il est marjouh. La quatrième partie de ces aqwal, et c'est la plus juste, hiya kawnuha fi al-ashr al-awakhir. أن ليلة القدر elle est dans les 10 dernières nuits. الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه il a détaillé et son قول il est طيب. Il a démontré رحمه الله أنه le plus proche c'est que c'est dans les 10 dernières nuits. Et le plus proche dans ces 10 dernières nuits c'est qu'elle est dans les nuits impaires. Donc tu as les 10 dernières nuits. Ça c'est important par rapport à tes efforts que tu feras. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré من كان متحريها. Ça montre que الصحابة ils faisaient des efforts pour la rechercher. لأن la récompense elle est عظيمة. Tes péchés sont pardonnés, ça équivaut à plus de 80 ans d'ibada, c'est quelque chose d'عظيم, surtout celui qui fait tous les ans. Donc les efforts pour la rechercher les 10 dernières nuits. Un père ou père, la nuit du 20, du 21, du 22, du 23, encore plus les nuits impaires. La nuit du 21, la nuit du 23, la nuit du 25, la nuit du 27, la nuit du 29. Encore plus. قَالَ وَأَرْجَ الْأَوْطَارِ لَيْلَةِ 27. Et le plus proche, ou le plus souvent, ça sera le 27, dans les nuits impaires. قَالَ وَأَرْجَ الْأَوْطَارِ جُمْلَةِ 7 الْأَوَاخِرِ. كَذَلِكَ les 7 dernières nuits, c'est encore plus proche. Donc, هذا الترتيب il est مهم. Pourquoi ? لأن t'as plusieurs أدلة في هذا. Vous avez remarqué le bab qu'on a lu, النبي صلى الله عليه وسلم قال les 10 dernières nuits. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit les nuits impaires. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit les 7 dernières nuits. Et on va voir des autres أدلة. لأن الحافظ عبد الغني المقدسي il a pas tous cité فيما يتعلق بليلة القدر. Pourquoi الحافظ ابن حجر et d'autres شيخ ابن عثيمين كذلك il a choisi cet avis. Pourquoi il a pas cité que ليلة القدر elle est que dans une nuit. Comme certains y pensent, c'est le 27. Là, il y a des autres adillah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Sa'id, il témoigne, il l'a vu. Et avec les signes que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné pour Laylatul Qadr, annahu, il s'est prosterné dans de l'eau et de la boue, c'était le 21. Ça prouve que ce n'était pas le 27. Ce hadith, il te montre, anna, c'est une erreur. Ceux qui pensent que Laylatul Qadr, c'est toujours le 27. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est arrivé que c'était le 21. Kadhalik les autres adillah. Donc, pour comprendre cette masala, tu rassembles tous les hadiths. Et tu t'apercevras que le qawl al-hafidh et d'autres, c'est le qawl al-sahih. Pourquoi ils ont dit que les nuits impaires c'était le plus proche? Donc fais des efforts les nuits impaires. Pourquoi ils ont dit la nuit du 27 c'est plus proche? Il y a hadith Muawiyah radiyallahu anhu, lakin il est mawquf. C'est la parole de Muawiyah. Qala hiya laylatu 27. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu kadhalik, c'est rapporté authentiquement an annahu kana yahlif kama fi sahih Muslim. Kana yahlif que cette nuit c'est la nuit du 27. Ubay ibn Ka'b, c'est un sahabi jalil. Il fait partie des grands sahaba. كذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن رجلا قال يا رسول الله إني يشق علي القيام فمرني بليلة لعل الله يوفقني بليلة القدر فقال عليك بالسابعة. Cet homme, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a du mal à faire salat et il voulait se concentrer sur une nuit pour arriver à trouver Laylat al-Qadr. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit fais la septième, aïe, des 10 derniers jours, la 27e. Donc tout ça, ça nous montre que Ha'oula Sahaba radiyallahu anhum et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé cet homme. Ça nous montre que le 27, kadhalik, c'est aqrab, sans délaisser les autres. Quand il y a le qa'il, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à cet homme le 27. Ubay ibn Ka'b, il a juré que c'était le 27. On a hadith Abi Sa'id, annaha est arrivé le 21. Ça te montre que le 27, c'est le plus souvent. Donc, tu fais encore plus d'efforts le 27. Il y en a, ça arrive souvent que c'est le 27. Lakin, ça peut être autre que le 27. Donc, le mieux, comme a dit Ahlul Ilm, minhum Cheikh Abdel Aziz bin Baz, rahmatullah alayhi, si tu espères avoir la récompense de Laylat al-Qadr, fais des efforts les 10 dernières nuits et tu auras fait des efforts dans Laylat al-Qadr. Que ce soit le 21, que ce soit le 20, le 23, le 27. Inch'Allah, celui qui fait des efforts les 10 dernières nuits, il trouvera Laylat al-Qadr. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait l'i'tikaf à la fin des 10 dernières nuits. Les 10 derniers jours. La journée ibadah, la nuit ibadah. Forcément, tu trouveras Laylat al-Qadr. Donc, as-sahih, c'est que cette nuit, elle se déplace. Chaque année, il y a Laylat al-Qadr, il n'y a aucun doute. Chaque année, c'est les 10 dernières nuits, il n'y a aucun doute. Ça peut arriver le 21, comme ça arrivait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut arriver le 27, et c'est souvent. C'est pour ça que certains sahaba, minhum Ubay, il a juré que c'était le 27. D'après ses connaissances, ça ne veut pas dire que c'est que le 27. Les nations disent c'est que le 27. Comment on fait avec Hadith Abi Sa'id que c'était le 21? Mais vous, hada. Qala Shaykh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, il a un qawl tayyib fi hada. Il a cité le khilaf بين أهل العلم. Et après, il a dit, wa sahih annaha tatanaqqal. فتكون عاما ليلة 21 وعاما ليلة 29 وعاما ليلة 25 وعاما ليلة 24 وهكذا. الصحيح سيسا كما قال الحافظ الشيخ ابن عثيمين كذلك أن la nuit du destin se déplace. Ça ne veut pas dire que cette année peut-être c'est le 21, l'année prochaine c'est le 23. Là, ça peut être cette année le 21, l'année prochaine le 27. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une hikma في هذا. Et la hikma elle est واضحة. كما قال شيخ ابن عثيمين قال والحكمة من كونها تتنقل c'est quoi la hikma avant qu'on lise عندما احسن faire l'effort. Si on saurait que c'est toujours le 27, comme c'est le cas chez certaines personnes, ils pensent c'est que le 27, certains ils vont au masjid que le 27, certains ils font des efforts que le 27. Donc la hikma أن النبي صلى الله عليه وسلم il l'a oublié, c'est que الناس ils font des efforts. قال شيخ العثيمين والحكمة من كونها تتنقل أنها لو كانت في ليلة معينة لكان الكسول لا يقوم إلا تلك الليلة لكن إذا كانت متنقلة وصار كل ليلة يحتمل أن تكون في هي ليلة القدر صار الإنسان يقوم كل العشر. C'est pour ça que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a démontré à ses sahaba من كان متحريها celui qui veut la rechercher il fait des efforts les 10 dernières nuits, les 7 dernières nuits, etc. Tous les hadiths qu'on a vu. هذا سنقول طيب. Et c'est as-sahih. Donc, cette nuit, c'est les 10 dernières nuits impaires. Et parmi les impaires, le plus proche, c'est que le 27. C'est que c'est le 27. Et kadhalik tatanaqqal. Ça peut être le 21, le 23 ou autre. Ala kulli hal, on fait des efforts les 10 dernières nuits. Et inshallah, on sera à la khair. Surtout les nuits impaires. Et la nuit du 27, kadhalik. On fait beaucoup d'efforts. Wallah subhanahu wa ta'ala, al-muwaffiq.